Sois religieux. De poèmes par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sois religieux. Un silence souffrant pénètre au cœur des choses. Les bruits ne remuent plus qu'affaiblis par le soir, et les ombres, quittant les couchants grandioses, descendent en froc gris dans les vallons s'asseoir. Un grand chemin désert, sans bois et sans chaumière, à travers les carrés de seigle et de sainfoin, prolonge en son milieu ces deux noires ornières qui s'en vont et s'en vont infiniment au loin. Dans un marais rêveur où stagne une eau brunie, un dernier ray se pose au sommet des roseaux. Un cri grêle et navré qui pleure une agonie sort d'un taillis de saule où nichent des oiseaux. Et voici l'Angelus dont la voix tranquillise la douleur qui s'épand sur ce mourant décor, tandis que les grands bras des vieux clochers d'église tendent leur croix de fer par-dessus les champs d'or. Fin de « Sois religieux ».